Cette semaine dans l'Olivret, je me trouve à Saint-Laurent-des-Arbres et plus spécialement à Échangeur 22. Alors je vous rassure, je ne suis pas sur l'autoroute, j'en suis sortie d'ailleurs à la sortie 22 et je suis à l'Échangeur 22 à Saint-Laurent-des-Arbres en compagnie de Marie-Cécile de Bessac. Bonjour. Bonjour. Vous me recevez dans une maison énorme, étonnante, sur une toute petite place. C'est une maison qu'on a acquise il y a 28 ans et restaurée. Elle est tout à fait au centre du village. Elle est comme une île parce qu'elle n'a pas de mitoyens et on la partage avec des artistes maintenant quasiment 365 jours par an. Donc voilà. C'était une maison qui appartenait à qui? Elle a une longue histoire. En tout cas, quand je regarde les murs, je me dis, ça n'a pas été fait d'hier. Non, elle date du XVIe siècle. Elle est faite de briques et de brocs, comme toutes les maisons du XVIe siècle de notre région. Il y avait une partie plutôt bourgeoise du notable du coin. Le père aux vieilles dames à qui on achetait la maison a été maire pendant des décennies à Saint-Laurent-des-Arbres. Et une autre partie qui était agricole. Il y avait une partie magnaneraie avec la culture des vers à Eh soie, oui. et il y avait une partie évidemment de pressoir Eh et oui. de cuves à vin qui sont devenues une petite piscine. Et c'est pratique. Et voilà, donc dans les murs, on a toute une charge historique que viennent renouveler les artistes en occupant le lieu. Quand vous avez acquis ce lieu, il y a maintenant 28 ans, vous m'avez dit, est-ce qu'il y avait déjà un projet artistique derrière ou non? Alors, moi, j'ai toujours eu une pratique artistique. Au moment où j'ai acheté cette maison, c'était plus un projet familial et aussi j'ai eu une carrière d'architecte avant, dans une autre vie, il y a très longtemps donc. Et je suis partie à l'étranger assez longuement, pendant 11 ans, et je suis revenue dans cette maison pour en faire cette résidence d'artiste. Une résidence d'artiste, c'est pas rien, ça. Bah, c'est tout un projet. C'est lorsque on a une maison, un lieu et qu'il semble qu'on a un peu la fibre de l'accueil, il y a toujours eu du passage ici. Il y a toujours eu du passage d'artistes. Ça, au début, ça a été plutôt des comédiens du festival. Et puis Festival le d'Avignon. festival Oui, d'Avignon, parce que oui, Saint-Laurent-des-Arbres, on est à quoi? On à est à 15 kilomètres, oui, ouais. 20-25 20, minutes. 20, oui. 20 Seul. minutes selon. Et puis, assez naturellement, il y a eu des soirées qui se sont faites avec des échanges de musique, d'art, etc. Et quand on est parti, on a laissé la maison à différents. On l'a prêtée, en fait. Et les dernières années, elle a été prêtée à des jeunes étudiants des Beaux-Arts qui ont fait venir tout un tas de jeunes des Beaux-Arts de Paris. Et moi, de mon côté, j'étais au Japon et lorsque je parlais, j'avais créé une communauté qui aidait les artistes étrangers à s'installer au Japon. Et quand je parlais dans la communauté des artistes japonais d'une petite maison plutôt accueillante au centre d'un village provençal, il y avait les yeux qui brillaient et c'est de là qu'est née l'idée de résidence. Alors vous êtes au milieu et vous n'êtes pas bien loin d'un château. Alors moi je ne connais pas l'histoire de ce château, mais je ne sais pas si vous le Alors, connaissez vous. C'est château ou l'église qu'on voit? les deux. Il D'accord. y a des restes du château avec les tours et il y a l'église qui est fortifiée. Donc, dans cette région, il y a eu beaucoup de Eh guerres oui. civiles, religieuses, beaucoup d'insécurité pendant non pas des décennies, mais des siècles en fait. Et donc le village est classé. D'ailleurs, à l'époque où j'exerçais, je me suis occupée de faire classer le village ZPPAUP. Mais Bravo, le lieu, bravo, c'est pas je suis rien. pas sûre que ça ait servi à quelque chose, mais bon, Mais au moins ce qui a on pu a être fait a tenté, été fait. on a tenté. Et donc, c'est un village qui possédait une double ceinture de remparts Oui. et en son centre, le château et l'église fortifiée. On se trouve en ce moment dans une petite cour intérieure, un peu en hauteur. Voilà, en fait, cette partie-là, je dirais, c'est quasiment, dès les beaux jours, le principal lieu De en vie, commun en de commun. vie des artistes. Donc il y a cette cour qui donne par des passerelles sur des cuves à vin qui ont été transformées en piscine et puis un petit bout de verre. Et on est entouré de murs en pierre. Derrière vous, il y a la petite cuisine, ça Alors c'est important, qui était un hein? poulailler. On a transformé le poulailler en petite cuisine d'été. On a une petite cuisine d'hiver aussi maintenant, puisque au début c'était essentiellement dans les beaux jours qu'on accueillait des artistes. Maintenant c'est tout le temps. Ah oui, Donc donc il il a faut. fallu s'adapter. On ne peut Oui. pas pousser les murs. Non. Mais et puis il faut garder de l'espace pour les artistes. Donc voilà, on cuisine essentiellement barbecue et avec une toute petite plaque, mais on s'en sort bien. Beaucoup d'échanges autour de la nourriture, évidemment. Sûrement. Et là, Parce je crois que ce midi, vous m'avez invité à manger. On va manger japonais. On va manger japonais. Parce que j'ai un lien particulier avec le Japon, parce qu'on a une des résidences ici qui est non pas japonaise, mais sud-coréenne. Et puis on se posait la question si ça lui manquait la nourriture asiatique. Et puis parce qu'on a une autre résidente qui a veillé assez tard hier soir, donc qui dort encore, mais qui est brésilienne et qui va probablement Apprécier, découvrir. apprécier la nourriture japonaise. Et à côté de nous, derrière nous, donc il y a la cuisine sur ma droite. Il y a un escalier qui monte aussi. Alors j'ai vu, il y en a une partie qui est en pierre, Oui. puis une partie qui est en fer. Il a Non, fallu. oui, en béton, mais c'était très étonnant parce que quand on a acquis la maison, c'était bouché. Et on Ah s'est oui? rendu compte que l'escalier à vis en pierre, qui est très joli, qui est très ancien, tenait dans le vide. Donc oui, ça fait Un escalier partie. suspendu. Oui, mais dangereusement suspendu. Oui. Donc voilà, on a vite fait un petit appui en complétant la travée jusqu'au rez-de-chaussée. Et derrière moi, il y a une salle où là, je vois trois personnes en train de travailler sur Internet. C'est très important. Donc, il y a deux artistes qui vous aident en ce moment sur la conception d'une édition. D'une édition annuelle pour retracer un petit peu l'activité d'Échangeur 22, qui se traduit plus par, plutôt que d'un catalogue exhaustif de tout ce qui s'est passé, par une photographie faite de mots-clés et d'images-clés qui seront augmentées grâce à Mona et à Robert, qui sont en train de travailler ici, par la réalité augmentée. Alors Robert, vous êtes Gallois. gallois, yes. Et Mona, vous êtes sud-coréenne. Et alors, est-ce que vous êtes bien ici? Mais très bien. Et vous, ça vous change un peu du climat là-bas, hein? Oui, et 22, c'est très très bien. Ce qui doit vous étonner, c'est le soleil, la luminosité, non? Oui, je Oui. manquais le soleil, Le soleil. je manquais le météo du sud. Oui, c'est ça, le météo du sud. Et pour vous, est-ce que c'est aussi ensoleillé dans la Sud-Corée? Oui, effectivement, en été, il fait très chaud. Il fait très chaud. Il fait humide aussi, hein? Oui. Mais au niveau luminosité. Luminosité, je pense que pareil en moyenne. Ah oui, Oui. super. Et derrière nous, il y a un autre jeune. Alors lui, c'est Émile. Bonjour Émile, vous êtes service civique, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis en mission de service civique pour 8 mois. Et quelle est votre mission? Ben alors, il y a plein de tâches en fait. J'assiste Marie-Cécile dans tout ce qu'elle a besoin. On fait notamment surtout de l'accueil, de la compta, de l'administration, de la documentation, photo, vidéo, du montage, des posts Instagram, de la communication, enfin, du montage aussi quand on est en La régie, exposition, ouais. la Ah ouais. En régie. fait, les jeunes qui viennent en service civique, c'est pas tant qu'ils aient des missions, c'est une formation mutuelle. Moi, j'apprends à déléguer et eux, ils apprennent un petit peu le métier ou les différents métiers, et ils sont multiples, autour de la création et notamment de la création en résidence. Mais comme on fait aussi des expositions dans des lieux comme le Pont du Gard ou encore comme à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, ils viennent aussi assister des artistes. Donc ils sont à la fois, comme moi, ils sont multitask. Et puis j'essaye d'être transparente sur toutes les tâches qu'on a pour qu'eux-mêmes puissent plus tard, c'est le but du service civique, c'est de savoir vers où ils veulent s'orienter, soit par la reprise d'études, soit par en conversion pour le travail. Mais alors, il semblerait qu'il y ait déjà du progrès fait. Vous êtes arrivé au mois de février, et là, quand je vous ai posé la question, êtes-vous artiste? Vous m'avez dit, oui, je fais de la photographie. Oui, c'est ça. C'est ça. Photographie, vidéo. Et vous êtes originaire du coin, vous êtes juste d'à côté. Oui, de Saint-Victor-la-Coste, qui est le village juste à côté de Saint-Laurent-des-Arbres. Donc, tout au long de la semaine, nous sommes en reportage à Saint-Laurent-des-Arbres avec Échangeur 22. On est dans votre QG. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs lieux où les artistes peuvent être. On va explorer ça demain. Mais en tout cas, on va découvrir tout au long de la semaine Échangeur 22 qui vient aussi faire un temps. Alors, je ne sais pas comment vous dites ça. C'est pas vraiment une résidence, mais à Pont-Saint-Esprit, il va se passer Une quelque chose. occupation artistique. Mais c'est aussi une résidence dans le fait où les artistes, c'est une résidence hors les murs, c'est-à-dire que les artistes vont dormir sur place. Ils rentrent pas chez eux, ils vont vraiment vivre Pont-Saint-Esprit pendant un mois. Alors, il y aura peut-être certains qui vont rentrer pour des raisons familiales ou professionnelles, mais il y aura une sorte de relais permanent sur le lieu où on pourra rencontrer les artistes et les voir à l'œuvre. Et bien, tout au long de la semaine, on va parler d'Échangeurs 22. On se donne rendez-vous demain, Marie-Cécile. À demain.